Après son passage, la mère Barbeau fut bien étonnée de voir Sylvie née sans fièvre. Elle lui donna vivement à manger, dont il profita avec un peu d'appétit. Le soir venu, la fièvre recommença. La fadette revint, et comme le matin, resta seule avec lui pendant une petite heure, ne faisant d'autre magie que de lui tenir les mains et la tête bien doucement et de respirer fraîchement auprès de sa figure en feu. Et comme le matin, elle lui ôta le délire et la fièvre. Il est bien sûr qu'en 3 jours, elle débarrassa Sylvinet de sa fièvre, et qui n'eut jamais su comment, si en s'éveillant un peu vite, la dernière fois qu'elle vint, il ne l'eut vu pencher sur lui et lui retirant tout doucement ses mains. D'abord, il crut que c'était une apparition, mais, rationnellement pris auprès de sa mère, et son père ayant laissé entrevoir le mariage de Landry avec la petite fadette, Sylvinet leur dit « Vous n'avez pas besoin de me cacher le nom de la future que vous lui destinez, » répondit Sylvinet. « Je sais bien, moi, que c'est cette fadette qui vous a tous charmés. » En effet, l'enquête secrète du père Barbeau avait été si favorable à la petite fadette qu'il n'avait plus d'hésitation et qu'il souhaitait grandement pouvoir appeler Landry. Il ne craignait plus que la jalousie du Besson et il s'efforçait à le guérir de ce travers en lui disant que son frère ne serait jamais heureux sans la petite fadette. Sur quoi, Sylvinet répondait « Faites donc, car il faut que mon frère soit heureux. » Mais on n'osait pas encore, parce que Sylvinet retombait dans sa fièvre aussitôt qu'il paraissait avoir agréé la chose.